Les premières paroles de sage de l'Évangile de Saint Luc. Nous sommes ramenés encore une fois au point focal de ce mystère de l'incarnation. C'est dommage, la lumière de la crèche s'est éteinte. Mais on va demander à Saint Joseph de la changer. Et donc, cette crèche qui nous attire par la douce lumière spirituelle, bien sûr, et la paix qu'elle nous inspire pour qu'elle soit contemplée. Encore une fois, la crèche est la récapitulation de tout l'univers, le monde minéral, végétal, animal, humain et même angélique sont repris, résumés, mais récapitulés parce qu'au centre, il y a la présence divine. Donc, dans la crèche, il y a comme déjà tout le programme de la rédemption. C'est de récapituler toute chose dans le Christ, que l'univers retrouve son origine et sa finalité. La crèche nous dit au fond que quand le Christ est au centre de nos vies, eh bien, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la lumière. Depuis le péché, ce centre a été perdu. L'homme s'est égaré dans les zones périphériques, même de lui-même, quand il est parti dans ses sens ou dans son intelligence et qu'il n'est plus dans son cœur. Mais c'est tout l'univers aussi qui a besoin, par le Christ, de sa lumière. Et c'est cela que Dieu nous donne dans ce paradoxe, ou enfin dans cette étonnante condescendance au sens étymologique, où Dieu descend avec nous. Pour sauver sa création, le Créateur devient créature tout en demeurant créateur. Quel incroyable anéantissement, mais quelle chance, quelle merveilleuse chance de renouvellement pour nous. En effet, les bergers, s'ils sont venus à Bethléem pour contempler la crèche, c'est parce que cette troupe céleste d'anges qui louaient Dieu leur dit « Vous trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire, il est le Messie, le Sauveur. » On aurait pu dire « Je sais pas, moi, il est au Parthénon ou il est au jardin suspendu de Babylone. » Non. Ce Sauveur du monde, ce Verbe était auprès de Dieu, qui est Dieu, par qui tout a été. Cette lumière qui est née de la lumière, eh bien, elle a choisi la pauvreté de la crèche pour resplendir. Donc, ce temps de Noël est un temps de contemplation où il est bon de passer des moments devant la crèche. Je me rappelle quand j'étais tout petit, je ne savais pas que j'étais un contemplatif, mais on avait le sapin de Noël dans le salon et j'aimais bien éteindre toutes les lumières du salon, sauf celle de l'arbre de Noël, et je me mettais à plat ventre devant la crèche. Et je trouvais ça beau. Je passais des longs moments dans cette douce lumière du sapin, dans l'odeur du sapin aussi, qui est agréable, à regarder cette crèche qui m'inspirait la douceur et la paix. Oui, contemplons ces tendres débuts de la mission du Verbe. Et le texte d'aujourd'hui de Saint Paul est le passage de l'Épître aux Galates que Saint Jean-Paul II a choisi pour commencer son encyclique sur Marie, la mère du Rédempteur, puisque aujourd'hui nous fêtons cette solennité de la mère de Dieu. Et le pape avait donc fait cette encyclique une douzaine d'années, si je me rappelle bien, avant le jubilé de l'incarnation, comme pour désigner Marie à l'aurore du salut, à l'âge peut-être hypothétique où elle a consenti, donc, à venir du Verbe dans sa chair. En effet, l'Épître aux Galates nous dit « Quand les temps furent accomplis, ou si vous préférez, à la plénitude des temps, Dieu, son Fils, né d'une femme, afin de faire de nous des fils. » Et Saint Jean-Paul II remarque dans cette formule Souvent, d'ailleurs, quand on lit Saint Paul, on voit toujours, entre les lignes, un dynamisme trinitaire. C'est le Père qui envoie le Fils, et le Fils qui va envoyer l'Esprit, et l'Esprit qui va envoyer... Qu'est-ce qu'il va envoyer ? L'Église. Mais, donc, une dynamique trinitaire. Le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce Fils qui va s'immoler pour nous afin que nous soyons renouvelés dans l'Esprit Saint. Mais cette expression, la plénitude des temps, Saint Jean-Paul II médite sur elle et l'éclaire, dit la plénitude des temps où quand les temps sont accomplis, c'est le moment d'abord où les prophéties s'accomplissent. Ce qui avait été annoncé est maintenant donné, comme dit Saint Bernard. Mais la plénitude des temps, ça désigne aussi le fait que l'éternité entre dans le temps, selon la belle formule que vous connaissez, parce que j'arrête pas de la répéter, de Saint Augustin, du grand jour de l'éternité, grand jour éternel est très dans notre jour temporel si bref. La verticalité divine entre dans l'horizontalité de l'histoire humaine, formant déjà d'une certaine manière le signe de la croix. Et Saint Jean-Paul II continue en disant, par l'irruption dans le temps devient consacré. Il devient le temps du salut. Donc le temps n'est plus soit une espèce de réalité circulaire, comme l'ont pensé beaucoup de religions naturelles, avec l'éternel retour, ou bien au contraire, comme beaucoup de gens le pensent, une espèce de courant aléatoire ou de rivière qui serpente sans origine et sans but. Mais en Jésus, le temps justement fait de cette rivière un chemin vers l'océan de l'éternité. Le temps est consacré. C'est vrai pour l'histoire de l'humanité, c'est vrai, frères et sœurs, pour chacune de nos existences. Notre temps sur la terre devient comme une piste d'avion pour ce décollage vers le ciel. Et donc, dans cette irruption de l'éternité, eh bien, Marie joue un rôle clé. Elle vient, comme dit saint Irénée, qui est cité dans la dernière partie de Lumen Gentium, qui est le grand texte dogmatique du Concile Vatican II sur l'Église. La dernière partie est sur Marie, et toute l'encyclique du pape est un développement de cette pensée du Concile. Eh bien, saint Irénée, qui est cité, nous dit que ce que Ève a noué par sa désobéissance, le nœud qu'elle a noué, Marie vient le dénouer par l'obéissance de la foi. Donc, vous voyez, les femmes sont au carrefour du drame humain. Ça commence mal, mais ça finit en beauté. Et donc, Marie ouvre, si l'on peut dire, cette ère de la sanctification du temps. Et le Concile emploie cette très belle expression d'un consentement tout entier de l'être, de l'intelligence et de la volonté. Donc, Marie, même si tout n'est pas explicitement clair dans l'annonce de l'ange, Marie qui a dans sa mémoire toutes les prophéties dont l'intelligence est nourrie par les Écritures, va dire oui. Et cela est aussi vrai pour nous. La révélation s'adresse à notre intelligence. La foi n'est pas un saut dans l'absurde. Certes, tout n'est pas limpide, mais le plan de Dieu est beau, il est cohérent, il est vrai. Et notre volonté peut s'engager dans une foi qui, nous dit le Saint-Pape, est une offrande de tout notre être. Parce que la foi n'est pas juste une connaissance intellectuelle, ce n'est pas un théisme. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe, c'est très bien, c'est magnifique. C'est une force supérieure ou une intelligence transcendante, mais ça ne change rien à leur vie, voyez. Et il ne s'agit pas de cela dans la foi chrétienne. Non seulement nous croyons que Dieu existe, mais nous croyons qu'il s'intéresse à notre existence et que notre existence doit se soumettre à la lumière de Dieu. Et c'est ce que Marie a consenti dans tout son être. Toutes ses puissances affectives, son intelligence, son corps, tout devient offrande à Dieu. Donc, dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme, qui est la première Église. L'Église, c'est là où Jésus habite et il est venu habiter en son sein. Mais comme dit saint Augustin, Marie l'a d'abord conçu par sa foi avant de le concevoir dans son corps. Marie, donc, première Église qui consent à ce pèlerinage qui commence d'une manière assez jolie, charmante, avec la danse de l'ange et ensuite la vision rustique, mais quand même poétique, de la crèche. Mais cette obéissance de la foi, elle va le tenir, comme vous savez, dans les moments les plus sombres de la croix, de la passion du Christ. Elle sera aussi avec les apôtres à la Pentecôte, dans l'attente de ce que Jésus a promis. Donc, frères et sœurs, en ce premier jour de l'année, demandons au Seigneur de bénir, c'est le sens de la première lecture, pour que, à la lumière de ce plan de Dieu qui nous est exposé dans la crèche, à la lumière aussi de l'obéissance de la foi de Marie qui vient dénouer les nœuds de notre dramatique histoire humaine, eh bien, nous soyons l'objet de cette bénédiction divine. Et c'est important de savoir ce qu'est une bénédiction. Ce n'est pas seulement un souhait. Vous savez, dans le monde profane, on se souhaite l'année. Ben, c'est gentil, mais c'est comme on peut souhaiter qu'on va gagner à la loterie. Mais ce n'est pas ça, la bénédiction. La bénédiction, c'est une casse. Quand Dieu nous bénit, il n'est pas comme nous. Dieu, il fait ce qu'il dit. Mais si nous sommes en communion avec lui, nos paroles aussi ont une efficacité. C'est pourquoi nous pouvons nous bénir les uns les autres. Nous dire du bien, c'est-à-dire nous faire du bien, dans la mesure où celui qui reçoit la bénédiction la reçoit avec foi. Et il y avait une tradition dans les familles, certaines familles québécoises, de bénédiction paternelle au début de l'année. Mais on peut la faire aussi souvent. Moi-même, je demande à ma vieille mère de 91 ans, quand je pars en voyage, juste comme ça, je me mets à genoux devant elle et je demande qu'elle me bénisse. Et je crois vraiment à la force de cette bénédiction. Tout à l'heure, j'étais à Saint-Michel, puis une famille qui était réunie dans la joie, petite fille trisomique de 12 ans. Et il y a un monsieur qui me dit, mais demande-lui la bénédiction. Alors je me suis mis à genoux, puis elle m'a pris dans ses bras. C'était très, très, très, très émouvant, magnifique. Voilà, j'ai reçu une bénédiction. Et nous pouvons nous la donner les uns les autres en faisant le signe de croix sur le front, parfois à la prière du soir en famille. Tout à l'heure, au moment de la paix, je vous proposerai plutôt que dire la paix du Christ, dire que Dieu te bénisse. Ou si vous voulez prendre la formule, mais on n'a pas le temps peut-être, non. Mais on peut la dire à la maison, hein, que le Seigneur te bénisse, te garde, qu'il fasse resplendir sur toi et qu'il t'accorde la paix.